pourquoi prêter la tapisserie de Bayeux ? La tapisserie de Bayeux est l'un des meilleurs exemples pour l'historien soucieux de montrer comment une œuvre d'art peut devenir un enjeu mémoriel de première importance dans les négociations diplomatiques entre des États. Le 18 janvier 2018, Emmanuel Macron a annoncé à Theresa May, qui était alors la première ministre du Royaume-Uni, que la France acceptait de lui prêter la tapisserie de Bayeux. L'objet de cette rencontre officielle aurait pu paraître bien plus important pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette fameuse tapisserie. Il s'agissait de faire avancer les négociations sur la frontière transmanche que le Brexit venait remettre en question. Pourtant, fait exceptionnel, ce n'est pas le problème des migrants qui fut placé à la une des médias, mais cette promesse de prêt. Les journalistes britanniques donnèrent un large écho aux propos d'un conservateur du British Museum qui déclara « C'est un geste d'une extraordinaire générosité et la preuve des liens profonds qui unissent nos pays ». Pour comprendre cet enthousiasme, il faut savoir que la Grande-Bretagne avait déjà sollicité en vain ce prêt à deux reprises. En 1953, pour le couronnement d'Élisabeth II, puis en 1966, à l'occasion du 900e anniversaire de la bataille d'Hastings. L'intérêt des Britanniques pour la tapisserie de Bayeux, classée depuis 2007 au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, tient au fait qu'elle raconte en images l'histoire de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume de Normandie en 1066, un événement fondateur dans l'histoire de la nation anglaise. Cette toile de lin, brodée de laine, est une œuvre monumentale de plus de 68 mètres de long sur 50 cm de haut, qui met en scène plus de 600 personnages, 200 chevaux, 560 animaux, des monuments, des navires et d'innombrables objets de l'époque. Elle décrit des faits allant de la fin du règne du roi d'Angleterre Édouard le Confesseur en 1064 jusqu'à la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066, au cours de laquelle ceux qu'on appelait les Francis ont écrasé les Anglis. Quatre ans après l'annonce du 18 janvier 2018, l'enthousiasme de nos amis britanniques a laissé la place au doute, voire à la suspicion. En janvier 2020, le prêt de la tapisserie a été renvoyé à l'année 2025, car on s'est aperçu que la broderie était en trop mauvais état pour quitter la petite ville du Calvados où elle est conservée. Il a donc été décidé d'entreprendre des travaux de restauration avant de la déplacer. Les commentateurs britanniques ont reproché au président Macron de ne pas avoir honoré sa promesse. Certains l'ont même accusé d'avoir voulu humilier les Anglais, comme Napoléon Bonaparte en 1803. Ces mauvaises langues rappelèrent qu'au moment où il projetait de débarquer en Angleterre, Napoléon avait fait exposer au Louvre la tapisserie de Bayeux pendant plusieurs mois, afin d'établir un parallèle entre son propre destin et celui de Guillaume le Conquérant. Les autorités françaises répondirent que seul un arrangement administratif avait été signé entre les ministères de la culture des deux pays. Or, un arrangement administratif n'a aucune valeur juridique. Il s'agit d'un acte de courtoisie et rien de plus, précisa-t-on du côté de l'Élysée.